podcast de Book & Ichous, le média de la bonne littérature, et je suis Tara Lenhardt. La mère, quelle figure! De Sigmund Freud à Xavier Dolan, de Marcel Proust à Chantal Akerman, de Pedro Almodovar à Hervé Guibert, pour ne citer qu'eux, les artistes ayant créé, à partir de leur relation à leur mère, ou placé ce rapport au cœur de leur réflexion et de leur création, sont légion, ni plus ni moins. Origine de notre monde à nous tous, la mère, et le lien qui nous unit à elle, définissent pour beaucoup la régularité de notre fréquentation d'un cabinet de psychanalyse ou notre équilibre intérieur. Le dernier étant souvent soumis au premier. Logique, donc, que l'on retrouve autant d'œuvres littéraires dans ce qui nous préoccupe, parlant de son rapport à la figure maternelle. Une thématique en appelant une autre, corrélée, ces derniers temps me sont passés entre les mains un certain nombre de livres sur le deuil, et spécifiquement le deuil de ses parents. Généralement, l'un ou l'autre, pas les deux à la fois quand même. Étonnamment, la plupart ont retenu mon attention, bien que, comme pour beaucoup, ce soit un sujet qui me glace et dans lequel je n'ai aucune envie de me projeter. Les livres nous renvoient aussi ce genre de dissonance en nous faisant imaginer des choses que l'on n'a pas du tout envie d'imaginer, en nous forçant à nous identifier à une situation qui nous angoisse, et peut-être à nous y préparer. D'autres livres traitent des rapports compliqués, voire conflictuels, que l'on peut entretenir tout au long de sa vie avec ses parents, sa mère en particulier. Là aussi, ils m'ont interpellé, dont un, évitant les écueils des règlements de compte dictés par de mauvais psychanalystes ou la démagogie nimbée de développement personnel. Bref, tout ça pour vous dire que de très bons livres m'ont secoué et que j'ai envie de vous en parler. Dans l'épisode qui vient, je me jette à la mer avec deux livres. Les Falaises, de Virginie de Champlain aux éditions La Peuplade, Basse naissance, de Kerry Hudson, avec une traduction de Florence Lévy-Paoloni aux éditions Philippe Ray. Les Falaises, donc, de Virginie de Champlain aux éditions La Peuplade, maison d'édition québécoise dont je vous parle de plus en plus souvent. C'est un thème fort dans la littérature contemporaine, la perte d'un parent. Plusieurs textes récents abordent le sujet, et pour la plupart, avec élégance et pertinence, notamment chez les auteurs québécois. Loin de sembler être une redite ou un livre de plus, le premier roman de Virginie de Champlain montre combien il est aisé, lorsqu'on a du talent, d'aborder un sujet commun et de se l'approprier avec puissance. Car c'est bien un roman sur le deuil, la perte de la mère, que livre Virginie de Champlain, mais pas seulement. En allant vider la maison de sa mère, retrouvée morte noyée dans le Saint-Laurent, en Gaspésie, au Québec donc pour les nuls en géo, la narratrice va trouver bien plus que les vestiges d'une vie. Elle va délicatement dévoiler la personnalité de sa mère, où loufoquerie et dépression semblaient alterner dans un cocktail explosif, se questionner sur elle-même, et puis sur sa filiation féminine, ses origines. La narratrice part de Montréal pour aller en Gaspésie et finira en Islande, sur les traces d'une grand-mère dont elle ne connaît que les carnets retrouvés là dans la demeure de sa mère, puissant concentré d'énergie féminine, presque des talismans. Il est parfois difficile de dire ce qui nous met les larmes aux yeux en lisant un livre, d'arriver à cerner avec précision ce qui résonne et rend ses mots incroyablement forts et beaux. Et peu importe, après tout, ce n'est pas si important que ça d'expliquer son émotion. En tout cas, ça ne l'est pas à la lecture de ce livre, entre roman d'apprentissage et journal de retrouvailles d'un lien à sa lignée maternelle. Peut-être le récit d'un affranchissement. Peut-être est-ce le lien à la féminité qui est si puissant. Ce lien à la création, à travers les extraits des textes de sa mère et les carnets de sa grand-mère. Ce lien à la nature et à sa violence. Peut-être est-ce aussi le talent de Virginie de Champlain, tout simplement. Et on continue avec Basse naissance, de Kerry Hudson, traduite par Florence Lévy-Paoloni aux éditions Philippe Ray. Kerry Hudson, c'est un peu la marraine de Book & Ichous. Son premier livre, Tony Hogan m'a payé un ice cream soda avant de me piquer maman, est le tout premier livre chroniqué en vidéo. Le temps a passé, Kerry Hudson a eu le prix Femina étranger pour La couleur de l'eau, son second roman, publié également chez Philippe Ray. On la retrouve ici avec un troisième livre, plus ouvertement autobiographique encore que le premier, plus profondément personnel, où elle revient sur les lieux de son enfance et de son adolescence, les quartiers, les foyers qu'elle a traversés, avec sa mère sans emploi et sans ressources, loin d'un père alcoolique et absent. Allocation, aide à l'enfance, centre d'accueil, placement, galère, violence, Kerry Hudson a connu tout ça trimballé par une mère instable, vulnérable et absolument pas armée pour la vie de mère. Donc forcément pas d'une efficacité ni d'une tendresse absolue envers sa fille au milieu des galères. Kerry Hudson est aujourd'hui une femme de 40 ans, reconnue pour son travail littéraire, une femme bien dans sa vie qui regarde en arrière, une femme qui n'a jamais oublié ni renié ses origines, qu'elle décide de montrer sans exhibitionnisme, sentimentalisme ou sans fausse pudeur dans ce récit bouleversant. Le style limpide de Kerry Hudson, son humour, son sens de l'absurde et sa tendresse se visent toujours là où l'on s'y attend le moins, habillant d'un décalage élégant des situations proches du tragique. En parlant de son propre trajet, c'est toute une classe sociale que Kerry Hudson met en lumière, une classe défavorisée, maltraitée, qui survit, malgré tout. Elle le montre très bien. Kiri reconnaît être réellement fière d'appartenir à toute cette force et d'être là après tout ce qui s'est passé. Elle qui vit désormais de sa plume et qui, mariée, attend son premier enfant. L'une des forces de Kiri Hudson, c'est la manière dont elle interpelle son lecteur en le visant au cœur, sans détour, sans fioriture, sans discours, juste par une démonstration puissante et touchante à la fois, une parole sincère. Voilà, c'est la fin de ce podcast avec Kiri Hudson pour Basse Naissance et Virginie de Champlain pour Les Falaises, où l'on a parlé de la figure maternelle. On se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures, car lire, c'est bon.